Bonjour Tiphaine, aujourd'hui, alors que son nouveau livre White paraît cette semaine dans sa traduction française, nous revenons sur la vie et l'œuvre de Bret Easton Ellis. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le dernier roman de Bret Easton Ellis, White, est un pamphlet dans lequel les réseaux sociaux sont accusés de caresser dans le sens du poil la jeunesse des millennials, ces jeunes gens qualifiés de chochottes qu'Ellis décrit comme hypersensibles et narcissiques, incapables d'accepter une remarque les concernant si elle n'est pas totalement positive. Pourtant, les réseaux sociaux sont avant tout basés sur les images et c'est comme si les personnages de Bret Easton Ellis les avaient anticipés, comme s'ils avaient été inventé pour eux, car c'est ce monde de l'image que nous décrit depuis plus de 30 ans maintenant l'auteur de Moins que Zéro. Notre actualité dans une littérature américaine qui raille les mœurs de la bourgeoisie décadente, c'est la parution dans la collection Bouquins chez Robert Laffont d'un volume regroupant deux romans de Tom Wolfe, Le bûcher des vanités ainsi que Un homme un vrai, ce pourquoi nous avons commencé par cet écrivain, les premiers épisodes de cette série. Et puis demain nous vous proposerons un deuxième numéro sur Bret Easton Ellis, c'est Alexis Broca, écrivain et rédacteur en chef adjoint au magazine littéraire, qui viendra nous parler de cet auteur qui a beaucoup compté pour lui. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. C'est exact. Et si vous prenez en compte tous mes romans, vous verrez une autobiographie émotionnelle des 25 années écoulées. Vous verrez dans chaque roman où en était Bret Easton Ellis dans sa vie, ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, être jeune en Californie du Sud, des sentiments au sujet de mon père, la colère en tant que jeune homme dans la culture yuppie de New York. C'est là, de là qu'est sorti American Psycho. Oui, on peut regarder et considérer les 7 livres que j'ai publiés. Et voir l'évolution d'un garçon qui a 19 ans quand il a écrit Moins que Zéro, jusqu'à moi aujourd'hui, âgé de 46 ans. Bret Easton Ellis au micro de Caroline Brouet en 2010 au moment de la sortie de son roman Suites impériales. Bonjour Pierre Guglielmina. Bonjour. Vous êtes le traducteur de Bret Easton Ellis pour ses romans Glamorama, Lunar Park et Suites impériales. Trois livres qui figurent aujourd'hui dans le tome 2 de ses œuvres complètes parues en 2016 aux éditions Robert Laffont. Et c'est vous également qui venez de traduire son dernier livre White, toujours chez Robert Laffont, mais cette fois dans la collection Pavillon. Alors ce livre, il s'appelle White, mais ce n'est pas le titre qu'avait choisi Ellis au départ. Il voulait intituler son livre White Male Privilege. Et là, ça aurait été un titre évidemment beaucoup plus provocateur. Oui, je pense qu'il a cédé aux pressions de son éditeur qui lui déconseillait de pousser la provocation un peu loin. Ça veut dire quoi, white male privilege? Ça renvoie à quoi? C'est un blanc mâle privilégié. Donc on voit très bien ce que ça désigne. Moi, je crois que le grand avantage de White, c'est un titre plus neutre. Et je dirais même que c'est le titre neutre par excellence, et c'est le sujet du livre, c'est-à-dire c'est de promouvoir en quelque sorte cette neutralité dont il a l'impression qu'elle fait totalement défaut à l'Amérique trumpienne et anti-trumpienne. Voilà. Alors, on parlera de White en deuxième partie de cette émission. C'est donc, vous dites, son éditeur qui n'a pas été d'accord avec le titre choisi au départ. Bret Easton Ellis a souvent dit d'ailleurs qu'il avait des rapports assez compliqués avec son éditeur. Il parle d'une relation très étrange. Oui, enfin, c'est toujours le même en même temps. Donc, c'est Gary Fiske-Jones et il n'a pas changé d'éditeur depuis qu'il publie des livres. Donc, c'est un conflit qui trouve chaque fois une solution. Oui, mais pourtant, il paraît qu'il pense que son éditeur n'aime pas ses livres. Oui, mais je crois qu'il y a énormément de provocations chez Ellis dans tous ses propos. Je vous entendais dire, on a l'impression qu'il a écrit, qu'il a décrit ses personnages de millennials dans ses livres de jeunesse. J'ai l'impression que c'est assez contre les millennials en question et pas pour. Donc il y a toujours une part de provocation, d'antagonisme chez Ellis qui est moi je trouve de bon aloi et avec son éditeur il pratique absolument la même technique. C'est une façon de créer en quelque sorte une sorte de d'énergie et de mouvement autour de ces livres qui de qui la ont, promotion ont... vous oui oui dire oui de... il a un sens très très aigu de cette chose là il disait récemment que il était très très très bon pour la communication parce qu'il s'en foutait. Et précisément parce qu'il s'en fout il est très bon pour ça. Alors, voilà. Vous connaissez les deux protagonistes dont on parle, à la fois l'éditeur et puis Bret Easton Ellis aussi. Alors comment va-t-il, Bret Easton Ellis? Écoutez, je l'ai pas vu depuis fort longtemps. Je l'ai vu très peu en fait. J'ai rencontré Bret Easton Ellis avant de le traduire quand je vivais à New York. On s'est rencontrés dans une soirée de lancement d'un livre d'une amie commune. Et puis je l'ai revu très brièvement au moment de la publication de Lunar Park. Donc j'ai des contacts très très épisodiques avec lui pour le moins. Et quant à son état de santé physique et morale, je crois qu'il va, très bien. Il va très très bien et je pense que ce qu'on peut constater maintenant, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que c'est un écrivain qui a une sorte de plan, qui le suit et qui a l'intention de continuer à écrire très longtemps. Ah bon, pourtant, ça fait plusieurs fois qu'il annonce qu'il doit s'arrêter. La provocation est intense. Je crois que c'est quelqu'un qui est très très engagé dans son projet d'écriture et c'est un projet qui est rythmé. Le roman White, enfin le roman, c'est pas un roman, c'est un ouvrage de non-fiction, soi-disant, commence sur cette notation, c'est-à-dire sur le fait que ces romans sont séparés par des périodes de 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans pour celui-ci. Donc c'est le rythme qu'il a choisi. Et qui me paraît très intéressant à suivre et à commenter, à constater. Il explique même que au moment de Moins que zéro, son premier roman, son éditeur sous-entendait qu'il allait devoir en republier un autre tous les deux ans et que ça l'avait extrêmement choqué et effrayé. Oui. Oui, et donc il a réussi à imposer dans un monde éditorial quand même assez féroce et assez rythmé par la loi du commerce, il a réussi à imposer son rythme. C'est une chose qui est assez remarquable. Vous diriez qu'il ambitionne de devenir un classique ? Oui, je pense que c'est une ambition qui n'est pas affichée parce qu'il n'affiche rien. C'est précisément cette neutralité qui est très intéressante chez Ellis, c'est que il est dans une position à la Warhol en miroir. C'est-à-dire qu'il ne fait que refléter ce qu'on lui présente. On reviendra précisément sur le rapport avec Warhol, mais essayons de raconter un petit peu ce qu'on sait de la vie de Bret Easton Ellis, puisque c'est toujours ce qu'on fait dans les premières émissions de nos séries à la compagnie des auteurs. Mais là, évidemment, c'est un peu plus difficile que pour un autre écrivain parce qu'il n'y a pas de biographie. Et en même temps, il n'arrête pas de se raconter lui-même. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui ne soit pas parmi ses proches connaisse vraiment bien la vie de Bret Easton Ellis? Je ne crois pas. Je crois qu'il met un point d'honneur en quelque sorte à être le seul narrateur de son existence. Donc il brouille les pistes en permanence. C'est quelqu'un qui est extrêmement habile avec les médias, qui sait tout à fait manipuler cette affaire, et il le fait pour précisément garder en quelque sorte le contrôle de la narration, précisément parce que le personnage de Bret Easton Ellis est le cœur de son œuvre. En fait, il ne fait que revenir livre après livre, et c'est d'ailleurs systématique pendant les premières pages de ses romans, essais. Il re-raconte toujours la même histoire, c'est-à-dire sa propre histoire. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a décidé, en quelque sorte, de raconter la vie de Bret Easton Ellis. Et Bret Easton Ellis est à la fois un personnage, donc c'est quelque chose qu'il manipule complètement, et c'est aussi, bien évidemment, l'auteur des livres. Et il est tout à fait capable de, dans Lunar Park, c'est très évident, de faire communiquer le narrateur et le personnage. Alors il a, par exemple, enfin, le personnage et l'auteur, pardon. Oui. Souvent parlé de son père, comme dans Lunar Park, par exemple. Il en a parlé aussi dans des interviews, comme à Rebecca Manzoni en 2005, à la sortie de ce livre. On en écoute un extrait. Pourquoi vous dites que c'est un monstre ? Because he was a monster. I mean, he was. Parce que c'était un monstre. He was a man who. Comment vous expliquer? Did not resemble a man. C'était un homme qui n'avait rien d'humain. Il était autre chose. C'était un alcoolique, toujours ivre et en colère. Il faisait très peur, ce qui, pour un petit garçon, en faisait un monstre. Bien sûr, aujourd'hui, je le vois de façon plus humaine, parce que je lui ai pardonné. Je ne suis pas sûr que je le traiterais de monstre aujourd'hui. Mais grandir dans cette maison, c'est grandir avec un personnage effrayant. En tout cas, vous expliquez dans votre livre que c'est lui qui est à l'origine de votre destin d'écrivain, d'une certaine façon. Oui, absolument. Il est responsable de ce désir. Comment s'enfuir d'une maison quand on a 6 ou 7 ans? Mais en lisant des livres. Et c'est parce que j'adorais en lire, tout jeune, que j'ai voulu commencer à en écrire. Écrire était aussi un mode d'évasion. Je confirme. Well, what can I say? I made fun of the dad in Lesson Zero. Je me moquais du père dans Moins que Zéro. Je l'assassinais dans Les Lois de l'Attraction. À travers une figure paternelle qui meurt. C'est le père de Sean et Patrick Bateman. Il meurt à la fin du roman. Et dans American Psycho, on pourrait dire que je le ressuscite sous la forme de ce monstre. Puis Glamorama, c'est lui qui me tue. Dans Lunar Park, je ne sais pas. Je finis par faire la paix avec lui. Alors oui, mon père est dans tous ses livres. J'ai toujours été un auteur obsédé par le père. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. La compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de l'origine familiale des parents de Bret Easton Ellis sans trop se tromper? Je crois qu'il a une. C'est très intéressant d'entendre cette interview parce qu'il y a un côté midinette chez Bret Easton Ellis, c'est-à-dire une façon d'aborder des questions assez profondes de son œuvre sur un mode absolument dérisoire. Donc moi j'aime beaucoup ce style. C'est de la légèreté. C'est une façon de multiplier les écrans et les masques. Je crois qu'il adopte cette position. Enfin, toutes ses interviews sont sur ce mode-là. C'est-à-dire, il a des propos de midinette ou de pop star ou enfin de gens relativement peu équipés pour élaborer des questions difficiles. Et il le fait très très bien. Je crois que quand il parle de monstres concernant son père, il a en effet une relation avec son père qui est extrêmement antagoniste, mais c'est une relation incroyablement réfléchie. Il a grandi en Californie, donc dans la période des années 70, donc une période d'affluence très très forte. Il a une enfance, il le dit d'ailleurs plusieurs fois, idyllique. Et puis les choses tournent de façon assez dramatique. Ses parents divorcent et l'idylle prend fin. Mais je crois que l'enfance de Bret Easton Ellis, c'est-à-dire ce qui nourrit en quelque sorte son œuvre et où il puise en quelque sorte l'énergie assez phénoménale dont il dispose, c'est cette enfance idyllique en Californie, dans les années 70. Il en parle encore dans White, en expliquant que c'était l'époque où il n'y avait pas de parents hélicoptères, et que c'était le moment où les enfants rentraient chez eux, ils trouvaient quelque chose pour le goûter dans la cuisine vide, il n'y avait personne dans la maison, et ils repartaient immédiatement dans la piscine des voisins. Non, il fait une sorte de contraste très très fort entre la façon dont il a grandi à cette époque et dont les enfants grandissent aujourd'hui, et l'incroyable surveillance dont ils font l'objet. Alors on sait quand même qu'il est devenu célèbre du jour au lendemain, alors qu'il était jeune étudiant dans un atelier d'écriture à l'université, en publiant donc Moins que zéro, un livre qu'il aurait quand même mis 4 années à écrire, c'est-à-dire qu'il aurait commencé à écrire assez jeune. Il a commencé à écrire Moins que zéro à 16 ans, et il le publie donc quand il en a 21, donc c'est une sorte de gestation assez longue. Je crois qu'il avait au départ pas vraiment l'intention d'en faire un roman. C'était des notations qui étaient assez libres et assez décousues. Et puis tout à coup, il s'est dit voilà, je vais en faire un roman. Et on sent d'ailleurs le roman est construit, c'est un roman vraiment vraiment élaboré, mais le caractère très libre en quelque sorte des notations, la progression côté fragmentaire, fragmentaire du livre reflète cette longue gestation. Mais alors, est-ce qu'on peut quand même penser que ce garçon de 21 ans était réflexif sur son image, comme vous le dites aujourd'hui? On a l'impression que il était aussi lui-même pris quand même dans ce qu'il raconte, et donc la frontière entre un écrivain qui réfléchirait beaucoup sur qui il est et sur son œuvre, et finalement l'image qu'il donnerait d'être presque similaire à ses personnages, cette frontière-là, elle est quand même difficile à établir. Dans White, il dit deux choses à propos de cette question que vous me posez. À l'âge de 13 ans, il dit « J'ai découvert que la famille dans laquelle je vivais était la zone grisâtre du dysfonctionnement. » Et à l'âge de 18 ans, il voit un film, j'ai oublié le titre du film, il voit un film d'horreur à Los Angeles, juste avant de partir au collège, et il dit « En voyant ce film, je me suis rendu compte que mon éducation était terminée. » Donc il y a une précocité chez Ellis, c'est-à-dire le fait de constater sa solitude radicale à l'âge de 13 ans, et à 18 ans, avoir le sentiment que son éducation est terminée. Ce qui veut dire, bien évidemment, qu'il ne renonce pas à apprendre, mais que, en quelque sorte, l'éducation, c'est-à-dire le savoir qui lui est transmis par une autorité, disparaît à partir de l'âge de 18 ans et donc il y a une maturité extraordinaire et une précocité tout à fait exceptionnelle chez Ellis. Alors Pierre Guglielmina, il y a évidemment la question que tout le monde se pose à la lecture de tous les livres de Bret Easton Ellis, c'est dans quelle mesure raconte-t-il sa vie, et y compris dans Moins que zéro, parce que c'est évidemment une vie sur la jeunesse cocaïnée, obsédée par le sexe, et tout le dispositif fonctionne un petit peu sur le fait que le lecteur a le sentiment qu'il est en train de lire un témoignage. Oui, ben c'est en effet très habile, ça dénote une maîtrise à un âge quand même très précoce, assez extraordinaire. Donc on ne sait pas si la vie de Bret Easton Ellis ressemblait à cette époque-là, non, à la vie de ces pas, personnes. On ne le sait pas. Et il maintient une ambiguïté très très forte là-dessus, puisqu'il chaque fois qu'on le pousse à donner une sorte de témoignage sur sa jeunesse, il donne des renseignements contradictoires, et radicalement contradictoires. Tout à coup, il est bisexuel. D'autres moments, il est homosexuel. On ne sait absolument pas sur quel pied danser, et on en reste donc à ce portrait diffracté qu'il produit dans chacun de ses romans. Alors est-ce un homme de l'Ouest, un homme de la côte Ouest, ou est-ce un homme de la côte Est de New York? Parce que c'est finalement avec un roman qui se passe à Los Angeles qu'il va se faire connaître, mais qui a été écrit dans une université de la côte Est. Et finalement, il va être aussi très identifié à New York, avec notamment American Psycho, qui se passe dans cette ville. Je crois que Ellis a l'ambition d'être un écrivain total. C'est très intéressant parce que depuis septembre 2001, on assiste. Dont il parle d'ailleurs dans White. Dans White, on assiste. Il y a un très très beau passage sur ce 11 septembre. Depuis 2001, on assiste à une sorte de fragmentation de la littérature américaine avec des effets, on va dire, communautaristes, c'est-à-dire des écrivains qui écrivent pour des publics très ciblés. Ellis me semble être, depuis notamment que Philip Roth est mort, le seul qui ait l'ambition de tenir en quelque sorte la totalité de l'Amérique. Donc, écrivain de la côte ouest, mais aussi de la côte est. Écrivain de l'Amérique ou écrivain du monde entier? Ben, je pense qu'il est, le... Alors, c'est une réflexion intéressante à faire parce que, dans White, il introduit une nouvelle distinction entre empire et post-empire. L'empire étant l'Amérique dans sa domination du monde, mais il constate que précisément depuis le 11 septembre 2001, on est passé dans quelque chose qui s'appelle le post-empire. Et il dit même, chose très intéressante, c'est que le post-empire n'a duré au fond qu'une dizaine d'années et qu'on est maintenant dans une sorte d'ère entrepreneurial. C'est très étrange, mais c'est le terme qu'il utilise, où il a le sentiment que les sociétés commerciales ont pris en quelque sorte le contrôle de la planète. Alors, c'est la mondialisation. La mondialisation, bien évidemment. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est encore l'Amérique? Non, sans doute pas. Mais c'est quand même une mondialisation impulsée par l'Amérique. C'est peut-être à ce titre-là, il est mieux à même que d'autres de le comprendre, de l'observer, et de le décrire. Bien sûr. Mais ces personnages, précisément, pourraient vivre à New York, à Paris, à Londres, à Shanghai. Il oui, y a une oui, oui, mondialisation aussi des personnages. Absolument, l'interchangeabilité est totale. Et de nouveau, une scène de White qui me revient à l'esprit, où il est en train de discuter de l'adaptation en comédie musicale de American Psycho. Et il rencontre pour la première fois les gens qui veulent s'occuper de ce projet. Il les regarde, il passe une soirée un peu arrosée avec eux. Et puis au bout d'un moment, il se dit, ces gens auraient pu être n'importe qui. Et donc c'est précisément cette sorte de dilution des identités qui nourrit aussi cette mondialisation, c'est-à-dire que c'est à la fois la mondialisation efface les différences, mais aussi ce sont les différences effacées qui produisent cette mondialisation et qui rendent les choses absolument interchangeables en permanence. On aurait pu être n'importe qui quand on est un personnage de Bret Easton Ellis. Ça veut dire qu'on est un espèce de comédien de sa vie, qu'on joue sa vie, et oui, que ce n'est pas vraiment sa personnalité qui s'exprime, mais... La sollicitation pour devenir acteur de sa propre vie est très forte. Et c'est une sollicitation qui le fait démarrer très, très, très tôt. Dans son œuvre, c'est Glamorama ne traite que de ça, mais aussi dans Moins que Zéro et dans The Rules of Attraction, enfin les lois de l'attraction, on voit très bien que le mouvement de développement des individus, c'est cette pulsion vers le statut d'acteur. On écoute un extrait de Glamorama. Je me réveille à cause du soleil qui plonge à travers la verrière et les poutres métalliques très chics jusque sur le lit, depuis lequel j'observe les dessins géométriques gravés sur ces poutres métalliques très chics. Je fais une tentative pour m'asseoir, en marque-bouton, et apparemment ce qui aurait dû être une massive gueule de bois est passé. J'inspecte les environs, une chambre peinte en gris cendre, totalement minimaliste, grand vase en acier rempli de tulipes, des tas de cendriers en acier sublimes un peu partout. Une table de nuit en acier avec un minuscule téléphone noir posé sur le numéro du mois prochain de Vanity Fair avec Tom Cruise en couverture. Un tableau de Jennifer Bartlett au-dessus du lit. J'ouvre le rideau en acier et jette un coup d'œil à ce qui ressemble à une rue, plutôt à la mode de Londres. Même si je ne suis pas sûr de savoir où. Il n'y a pas de pendule dans la chambre, et je n'ai donc pas la moindre idée de l'heure qu'il est. Mais rien qu'à la façon dont les nuages défilent devant le soleil dans la verrière, je sais que ce n'est plus la matinée. J'appelle le Four Seasons pour demander mes messages, mais il n'y en a aucun, et un sentiment de panique que je crois pouvoir contrôler commence à se répandre, et je m'en débarrasse sous la douche, dans la pièce adjacente, cabine vert pâle et carrelage gris foncé. Et la baignoire que Jamie et moi avons utilisée dans la nuit est vide. Les bougies fondues, toujours sur le rebord, et des produits Kiehl's parfaitement alignés le long des lavabos en acier inoxydable. Je me sèche et je décroche une sortie de bain Ralph Lauren et la passe avant d'ouvrir la porte très lentement parce que je ne suis pas sûr de ce qui m'attend de l'autre côté. Des auteurs avec cette lecture de Glamorama par Pierre-Marie Baudouin dans votre traduction. Pierre Guglielmina, que vous inspire cette lecture? Cette interchangeabilité complète des produits et des corps. C'est un des, comment dire, des ruses de délices de créer une parfaite équivalence entre la description des produits et leur magnification et en même temps cette sorte de dégradation du corps humain au rang de pur produit. Ça c'est très habile et très efficace en plus. Je crois qu'il a réussi, enfin il est imité dans le monde entier pour ça. C'est quelque chose qu'il a vraiment mis au point et dont il... Il est imité, pardonnez-moi, et il a imité aussi. Et là, on peut refaire surgir le nom de Warhol, parce que oui. C'est une filiation, là. Oui, oui, bien sûr, le Warhol est en effet le maître de ce procédé et c'est à Warhol qu'il l'emprunte et il en fait en quelque sorte un procédé littéraire alors que chez Warhol c'est un procédé pictural esthétique. Donc il y a de la sérialité, il y a de la répétition comme fait, chez Warhol. Tout à fait. Il est obsédé par la répétition de la même manière que Warhol et il en fait en quelque sorte le leitmotiv de tous ses romans et c'est aussi une marque de fabrique. C'est-à-dire que il le fait de manière très très consciente, parfois jusqu'à la nausée. c'est par moment, on est très agacé par le procédé, mais il le fait à dessein. Quels sont les écrivains qu'on peut citer aussi comme des références pour Bret Easton Ellis? Dans Moins que zéro, il y a toujours cette référence à la publicité Disparaître ici, oui. Qui est lue régulièrement, qui est vue régulièrement par le personnage principal et qui fait un petit peu penser à la publicité dans Gatsby le Magnifique, où on voit les yeux délavés du docteur Eckelberg qui regarde les conducteurs sur la route avec un regard absent, un regard vide. Est-ce qu'il y a par exemple du Fitzgerald, ou voire même du Gatsby, chez Bret Easton Ellis? Oui, je crois que c'est quelque chose qui est très très présent dans Ellis. Cette admiration qu'il a pour Fitzgerald transparaît dans plusieurs livres, dans Moins que zéro, effectivement. La référence Disparaître ici, c'est un leitmotiv, là aussi, de Ellis. On retrouve dans absolument tous les textes, y compris dans White, qui est un texte de non-fiction. C'est le signe. C'est l'inscription inscrite sur l'entrée de l'enfer pour Ellis. C'est-à-dire que c'est l'injonction qui est faite au lecteur quand il découvre l'enfer de disparaître. C'est pour lui la formule la plus condensée aujourd'hui de ce que peut être l'enfer. Quels autres écrivains pourrait-on citer? Il cite très souvent John Didion, que je connais mal, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose. Mais je crois que là encore, Ellis est un lecteur avide. On peut citer Melville, on peut citer Hemingway, on peut citer Kerouac. Il défend beaucoup les écrivains beat, mais j'ai jamais trouvé de défense très pointée de Kerouac. Mais aussi Guy Debord. Oui. Tout à coup, Guy Debord apparaît dans Glamorama, dans un sac Hermès. Donc c'est assez drôle. Mais la référence est pointée. Pierre Guglielmina, on va continuer à parler de Bret Easton Ellis avec vous en seconde partie de cette émission, et en particulier de Lunar Park, ce roman qu'on peut peut-être qualifier de shakespearien, vous nous le direz en tous les cas. Tout de suite, c'est le moment de la chronique. Elle vous est proposée aujourd'hui par Michel Crépu. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel. Bonsoir. Bret Easton Ellis, c'est un écrivain qui vous intéresse? Oui, tout à fait, absolument. Et je pensais tout à l'heure, en m'amusant un peu, Pierre Villemina faisait allusion au fait que Ellis était quelqu'un qui maniait très subtilement la communication, parce qu'en fait il s'en moquait. Et ça m'a rappelé la devise d'un régiment de légionnaires qui était la suivante: nous sommes les plus forts parce qu'on s'en fout. Ouais. Et c'est un peu la même chose. Et puis je trouve que c'est passionnant parce que au fond, on a l'impression, enfin, qu'on pourrait parler d'autobiographie, d'apprentissage, qui est une façon très très spécifique de bousiller la machine romanesque traditionnelle et de lui substituer une autre matrice de récit, une autre manière de raconter les choses où la dimension autobiographique est motrice. Enfin, non, c'est tout ça est extrêmement extrêmement passionnant, je trouve. Alors, excitant. Dans la NRF numéro 635, il n'est pas question de Bret Easton Ellis, c'est la livraison du mois de mars, et on retrouve en revanche un entretien avec un jeune écrivain, Alexandre Postel. Oui, qui est un jeune écrivain, en effet, qui n'a pas encore explosé sur la scène, mais Peu importe d'ailleurs de savoir si ça se produira ou pas, mais en tout cas, c'est un écrivain très très intéressant, qui aussi croise d'une certaine manière les questions que nous venons d'évoquer à propos d'Ellis, mais d'une façon très différente, en héritant d'une tradition littéraire héritée du XVIIe, de La Fontaine, de la fable, et d'y mêler un tableau de mœurs contemporaines très, très subtil, très fin. Et je crois que on n'a pas fini d'entendre parler de ce Alexandre Postel. Qui est donc interrogé par Renaud Pasquier. Renaud Pasquier, un entretien tout à fait remarquable, qui, je crois, pourrait appeler une suite, enfin, mm-hmm. une conversation sur le destin de la littérature aujourd'hui. Et le dossier de la NRF, c'est un dossier consacré aux célèbres années 30, dont évidemment on reparle beaucoup aujourd'hui par comparaison avec notre époque. On est très obsédé par ça, et ça m'intriguait de sonder des écrivains qui ne sont pas sollicités en général sur cette question, comme Gwenaëlle Aubry par exemple, ou Jacques Drillon, et qui, je crois, apporte à ce parallèle si tentant des années 30, des vraies années 30 et des pseudo années 30 qu'on vit, qu'on serait censé vivre aujourd'hui. C'est intéressant de frotter l'un avec l'autre. Donc ça nous rassure alors de lire votre dossier. Oui, en un sens oui, parce que l'histoire ne se répète pas et en même temps elle se répète et elle nous oblige à jouer plus fin, à jouer la partie plus finement, et donc je pense que c'est une bonne chose. Tout cela et bien plus encore est à retrouver dans le numéro de mars de la Nouvelle Revue Française. Merci beaucoup Michel Crépu. Merci. À bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture avec ce premier épisode d'une mini-série consacrée à l'écrivain américain Bret Easton Ellis, lequel fait paraître demain son dernier livre en France dans une traduction de Pierre Guglielmina, qui est notre invité d'aujourd'hui. Il avait déjà traduit d'autres de ses livres et notamment Lunar Park, dont on écoute tout de suite un extrait par la voix de Pierre-Marie Baudouin. Ce que je n'ai pas dit et pas pu dire à qui que ce soit, c'est que l'écriture du livre avait été une expérience extrêmement dérangeante. Que même si j'avais projeté de m'inspirer de mon père pour Patrick Bateman, quelqu'un, quelque chose, d'autre, avait pris les commandes et fait que ce nouveau personnage est devenu ma seule référence pendant les 3 années qu'il m'a fallu pour terminer le roman. Ce que je n'ai dit à personne, c'est que le livre a été essentiellement écrit pendant la nuit, lorsque l'esprit de ce démon me rendait visite, me réveillant parfois d'un sommeil profond obtenu à coups de Xanax. Quand j'ai compris, horrifié, ce que ce personnage voulait de moi, j'ai tenté de résister. Mais le roman a exigé d'être écrit. Souvent, j'ai été inconscient pendant des heures pour finalement m'apercevoir que 10 pages supplémentaires avaient été griffonnées. Il s'écrivait tout seul et se fichait pas mal de ce que je ressentais. Je regardais, rempli de peur, ma main qui tenait le stylo courant sur les blocs jaunes sur lesquels j'ai écrit la première version. J'éprouvais de la répulsion pour cette création et ne voulais en tirer aucun crédit. Patrick Bateman voulait en être crédité. Et une fois le livre publié, c'était comme s'il avait été soulagé et, plus dégoûtant encore, satisfait. Il avait cessé d'apparaître après minuit pour hanter allègrement mes rêves. Et je pouvais me détendre, cesser de me crisper à l'idée qu'il allait faire son apparition nocturne. Mais des années après, je ne pouvais toujours pas regarder le livre, encore moins le toucher ou le relire. Il y avait quelque chose, disons, de mauvais en lui. Alors Lunar Park, Pierre Guglielmina, c'est un livre hanté par les spectres, par les fantômes. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ces fantômes-là sont les fantômes des personnages inventés dans des romans précédents par Bret Easton Ellis. Oui. C'est un roman, je pense, d'inspiration hamlétienne très, très évident. Enfin, ça n'est même pas dissimulé par Bret Easton Ellis puisque l'épigraphe est tirée d'Hamlet et le personnage de Bret Easton Ellis, puisque c'est le personnage de Bret Easton Ellis, vit à Elsinore Lane. Donc, le décor est posé. Et pour ce qui est de l'action du roman, c'est une action complexe, puisque Bret Easton Ellis s'invente un fils, Robbie, et que la totalité du livre va donc être la description et la résolution, en quelque sorte, des permutations entre père-fils et grand-père. Mm-hmm. Chacun des trois personnages permutant et devenant à son tour le père de l'un, le fils de l'autre, et ainsi de suite. Donc c'est une construction extrêmement habile, extrêmement très déroutante aussi. Très déroutante, bien sûr, où la dimension spectrale de la paternité. Puisque c'est au fond le sujet qui intéresse Ellis, il l'a dit dans l'interview que vous avez proposé tout à l'heure, la paternité est le sujet de l'œuvre d'Ellis à mon sens, et c'est une exception dans la situation actuelle de la littérature américaine. Je ne connais pas d'écrivain américain de l'importance d'Ellis qui traite de ce sujet avec autant de constance et autant d'obsession que lui. Et des personnages de mère aussi chez Bret Easton Ellis? Très peu. C'est très étrange, mais les personnages féminins chez Ellis sont assez peu élaborés. Ce sont des personnages qui ont leur importance du point de vue dramatique, mais qui n'ont pas en quelque sorte la complexité et la richesse des personnages masculins chez lui. Donc Lunar Park, c'est pour vous une variation sur Hamlet? Oui. Ça n'est que ça? C'est largement ça? Oui, je crois que c'est le sujet du livre, et Ellis le dit, c'est un roman d'évasion dans lequel le personnage de Robbie, donc qui est un enfant qui a 12 ans pendant l'action de Lunar Park, qui a un plan d'évasion et donc qui disparaît lui aussi, mais la disparition de Robbie dans Lunar Park n'est pas celle de disparaître ici, c'est pas cette disparition par effacement, c'est une disparition voulue, c'est une disparition conçue, et c'est une disparition qui a un effet en quelque sorte sur la disposition du père. Vous avez aussi cité cet extrait de Lunar Park qui est très intéressant, où il dit que le roman s'écrit tout seul, mais je ne peux pas me l'approprier. Précisément, l'évasion de Robbie dans le livre va permettre à Bret Easton Ellis de s'approprier le roman. C'est donc, il y a un travail en quelque sorte qui est fait par le fils, qui bénéficie au père et qui va lui permettre de s'approprier en quelque sorte le roman contre son propre père. Donc ça, c'est une construction très habile et très fascinante, je trouve. Et la construction, c'est aussi cette longue descente pendant les 60 ou 80 premières pages vers les spectres, parce que on part, et les premières phrases sont toujours très importantes, on peut peut-être en dire un mot aussi, oui, chez Bret Easton Ellis, mm-hmm, on part en effet de ce qui se présente comme étant une autobiographie pure de Bret Easton Ellis, avec au fur et à mesure des petits décalages qui viennent indiquer au lecteur, mais qui n'en est jamais sûr, qu'on s'achemine vers de plus en plus de fiction. Oui, c'est tout à fait juste. J'avais écrit un petit article sur Lunar Park à l'époque, et je citais Mallarmé qui dit Hamlet lisant au livre de lui-même. Et Ellis commence Lunar Park en relisant les premières phrases de tous les romans qu'il a écrits jusqu'alors, et en se demandant comment il a pu en arriver là. Et ça, c'est en effet la construction du livre, qui est de savoir en quelque sorte qui est une façon de réévaluer constamment les romans précédents. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyablement impressionnant chez Ellis, c'est que il écrit des livres qui, évidemment, avec des retours de personnages, donc c'est un procédé au fond relativement bateau aujourd'hui. Mais il y a du Balzac quand même chez Bret Easton Ellis. Bien sûr, tout à fait. Mais au fond, au-delà de cette construction, donc à la comédie humaine, il y a cette capacité de réintégrer et de réévaluer en quelque sorte les romans qui ont précédé. Et ça c'est une chose que je vois très peu ailleurs. Et il fait la propre exégèse, oui, de ses livres. Et ça, c'est tout de même assez fascinant, cette manière dont il dit oui, ça, finalement, c'était bien, ça voulait dire ça. Oui. Donc il est en permanence dans un rapport entre ce que finalement la critique devrait dire de lui, oui, et lui écrivant en tant que romancier. Donc il est d'un côté comme de l'autre toujours. Oui, et c'est précisément là que la question de la paternité est, à mon avis, la plus vibrante. C'est cette possibilité de se réapproprier, de critiquer et d'évaluer les livres. Dans White, Ellis dit une chose absolument extraordinaire. À un moment très intéressant chez Ellis, c'est que il y a tout à coup des phrases absolument clés qui arrivent dans des passages relativement plats. La phrase en question, c'est je suis un homme qui n'est pas castré par sa sexualité. Alors, c'est une phrase qui a l'air comme ça un peu provocatrice, mais si on s'intéresse un peu au complexe de castration, on s'aperçoit précisément que le propos d'une phrase de ce type, c'est précisément de montrer que il a absolument dépassé radicalement le complexe d'Œdipe. Et ça je trouve la capacité de condensation qu'il obtient dans des phrases de ce genre est proprement extraordinaire. Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons donc avec vous, Pierre Guilmina, de Bret Easton Ellis et à présent de ce nouveau livre qui paraît donc demain, White, dans la collection Pavillon des éditions Robert Laffont et que vous avez donc traduit. Première phrase, toujours important de noter la première phrase chez Bret Easton Ellis, je vous la livre. L'idée de commencer un nouveau roman s'est mise à murmurer dans le creux de mon oreille au cours des premières semaines de 2013, alors que j'étais coincé dans la circulation sur la L10 à la hauteur de la sortie de Hollywood, après une semaine passée à Palm Springs en compagnie d'une amie avec qui j'étais à l'université dans les années 80 et qui était en train de perdre la tête. Elle avait craqué plusieurs fois en ma présence pendant ses journées dans la maison de Azuri Court avant de repartir plus tôt que prévu pour aller faire une retraite à San Diego avec Deepak Chopra. Oui, je sais de quoi ça a l'air. C'est une longue première phrase, alors que je crois que c'est aussi dans ce livre qu'il dit qu'il voulait revenir à la simplicité de sa première phrase de moins que zéro ou de mémoire. C'est dans Lunar Park qu'il dit ça, oui. Il veut revenir à la simplicité des premières phrases de ses premiers romans. Oui, c'est une phrase. La première phrase de moins que zéro, c'est il est difficile de s'insérer dans une autoroute de Los Angeles. Et donc il reprend évidemment le même thème. Les autoroutes jouent un rôle crucial dans la mise en branle des romans de Bret Easton Ellis. Je crois que c'est lié à une sorte de commentaire très ironique sur l'idée que Los Angeles ne vit que par ces autoroutes. C'est-à-dire que la vie n'aurait pas lieu à Los Angeles s'il n'y avait pas les voitures et les routes. Et c'est difficile de s'insérer dans cette ville. Et donc, alors. C'est à la fois le moteur de l'existence et c'est en même temps une opération toujours très difficile d'entrer dans les autoroutes ou d'en sortir d'ailleurs, puisque les autoroutes sont encombrés à longueur de temps. Donc c'est très habile et très, c'est une assez belle image d'ailleurs, je trouve, et ça résume en quelque sorte la condition humaine errante à Los Angeles. Et à Palm Springs aussi. Et à Palm Springs, alors. Donc fait référence à cette ville ville qui n'est pas balnéaire parce que c'est dans le désert, mais enfin qui est une ville de loisirs. Oui, oui. Je reviens un petit peu sur le début de White, parce que cette phrase qui donc reprend la structure de la phrase de la première phrase de moins que zéro est en fait un faux départ, puisque à l'issue de cette phrase, il va dire j'ai essayé et puis ça n'a pas marché. Donc on voit que il utilise un procédé purement fictionnel qui est classique chez lui, on pourrait dire même trop. C'est quelque chose qui revient constamment dans ses romans. Et là, pour le coup, ça ne marche pas. Et évidemment, le livre va s'enclencher sur un soi-disant un livre de non-fiction. Que Ellis décompose en chapitres, ce qui est tout à fait, enfin, des chapitres avec des titres, ce qui est assez nouveau dans l'œuvre d'Ellis. Et je crois que très bizarrement, c'est un livre. La non-fiction est une fiction pour Ellis. C'est-à-dire que l'idée de séparer en quelque sorte un livre de non-fiction qui serait l'équivalent d'un article qu'il a pu écrire avant ou qu'il a pu développer dans White, ça me paraît tout à fait faux. Le livre lui-même est construit comme un roman. Oui. Mais pourtant, il endosse sa thèse qui consiste à dire finalement les minorités se considèrent trop, pense-t-il, comme des victimes perpétuelles, si je caricature. Alors, c'est très compliqué d'analyser la position qu'il occupe dans l'Amérique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a un discours anti-minoritaire, qui est un discours à mon avis, de façade, qui est un discours où il va, en quelque sorte, polariser et provoquer. Alors qu'en réalité, il fait partie lui-même d'une minorité qui serait la évidemment, minorité évidemment. Et pour la première fois dans un texte, il l'assume de part en part, cette position. Donc, c'est une position qui, à la fois, donc, provoque les minorités, et en même temps assume sa minorité, mais à un point qui est rarement assumé par les minorités, qui est de dire au fond je suis seul dans ma sexualité. Ma sexualité ne représente personne et je ne suis représenté par personne. Et tout le discours de White va en quelque sorte développer cette position qui est de dire je ne peux parler qu'en mon nom. Mmh. Et aucune communauté, aucune représentation ne pourra jamais rendre compte de ce qu'est mon expérience. En même temps, c'est antipolitique, dans Bien le sens sûr. Où, du coup, il est impossible de s'allier pour revendiquer, par exemple, des droits. Bien évidemment. Et la position d'Ellis est, de ce point de vue-là, anarchique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est absolument incapable de s'identifier au moindre groupe, qu'il soit démocrate, républicain, homosexuel, hétérosexuel. Il n'y a aucune possibilité pour lui de rejoindre la moindre communauté. C'est là où il rejoint peut-être ces personnages particulièrement individualistes. Oui, enfin qui sont individualistes, mais qui sont individualistes sur un mode au fond passif. Ce qui est très intéressant chez Ellis, c'est que il utilise en quelque sorte tous ces clichés de l'individualisme pour en faire quelque chose d'extrêmement actif. c'est pas du tout une position d'individualisme passif, consommateur. C'est au contraire quelque chose dont il est l'acteur unique et essentiel. Mm-hmm. Trump est un sujet aussi de White. Oui, c'est un sujet. Alors, c'est un sujet d'anticipation puisque Trump apparaît dans American Psycho. C'est un personnage de American Psycho. Et donc, Ellis s'amuse avec cette anticipation, en quelque sorte, puisque il a décrit Trump dans American Psycho comme une sorte de héros et de modèle pour Patrick Bateman. Mm-hmm. Et à mesure qu'il avance dans White, le héros de American Psycho, Patrick Bateman. Et à mesure qu'il avance dans White, le personnage, il se demande ce qu'a pu devenir Patrick Bateman au cours des années qui se sont écoulées depuis que le livre est paru. Et il imagine évidemment toutes sortes de scénarios. Et puis il dit mais au fond je n'y arrive pas. Je peux pas dire ce que serait devenu Patrick Bateman, mais en filigrane de cette réflexion, on s'aperçoit que Bateman pourrait être président des États-Unis. Mmh. Et c'est le filigrane donc de ce caractère psychotique qui vient en quelque sorte infiltrer White. Merci beaucoup Pierre Guglielmina. Je rappelle que vous êtes donc traducteur du dernier livre de Bret Easton Ellis qui paraît demain chez Robert Laffont dans la collection Pavillon. Vous avez également traduit Glamorama, Lunar Park et Suite Impériale, cela en plus de votre métier de philosophe. C'était La Compagnie des Auteurs, une émission de Didier Pinoine, Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jean-Guilain Meige. Demain, deuxième et dernier épisode de notre mini-série sur Bret Easton Ellis. Nous serons en compagnie de l'écrivain et journaliste Alexis Broca qui viendra détailler pour nous un certain nombre de thèmes concernant l'auteur d'American Psycho. Mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment de retrouver les lectures de poésie sélectionnées et lues pour nous par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Journée de miel, on continue avec Katerina Angelica Rook, poète grecque aux éditions du Miel des Anges. La chair, beau désert, dit-elle. Triste, hélas, mais Katerina, elle mord. Ne désire qu'une seule chose, que la réalité t'entoure encore et que tu l'aimes. Qu'elle soit là, même triste, même revêche. Est tiré d'un poème dans l'anorexie de l'existence. Elle parle des années qui s'en vont et du désir qui reste. Je n'ai pas faim, pas mal, je sens bon. Si je souffre au fond de moi, je n'en sais rien. Je fais semblant de rire, je ne désire ni l'impossible, ni le possible. Les corps qui me sont interdits ne rassasient pas mon regard. Parfois je lève les yeux vers le ciel ardemment à l'heure où l'éclat du soleil s'efface et l'amant d'azur s'abandonne au charme de la nuit. Ma seule participation au tournoiement du monde est mon souffle régulier, toujours. Mais je me sens participer d'une autre façon, étrange. Soudain m'angoisse la souffrance humaine. Elle s'étend sur la terre telle une nappe rituelle trempée de sang qui, recouvrant dieux et mythes, renaît éternellement et s'identifie à la vie. Oui, je voudrais pleurer, mais tout est sec, la source de mes larmes aussi. Dans un autre recueil poète grec du XXIe siècle, nous tombons sur Haris Vlavianos, pour qui, comme pour d'autres poètes grecs, la mort est présente. Empédocle est tombé dans le cratère, crâne dans la mer. Berryman comme Wolf dans le fleuve, Macris sur le trottoir d'en haut. Les façons de s'en aller sont nombreuses, cordes, couteaux, pistolets, poisons, pilules et même serpents, si l'on pense à la reine fatale. Petite coupe dans le poème. Certains prennent soin de laisser un mot exposant les raisons de leur départ, soudain d'autres préfèrent le silence. Mayakovsky s'est couché sur son lit, c'est tout. Köstler a laissé sur la porte un message. No milk today. Il avait acquis, ce Hongrois, l'humour anglais. Ils ne sont pas rares ceux qui ratent la première fois et recommencent, qu'au deuxième coup, leurs mains ne tremblent pas. La balle touchant la cible, la lame trouvant la veine, ou que le corps fasse les bons mouvements dans les airs en tombant ou quand il sombre lentement dans l'eau. Mais tous avaient un point commun. Ils aimaient la mort à la folie. Quel intérêt, se demandait-il, quelques années encore d'une vaine existence, d'une attente futile, à côté de cette étreinte passionnée, de cet amour qui sera éternel. Ils ont quitté la scène en souriant, non sans ironie, sûrs, ou presque, des acclamations qui suivraient et des bis assourdissants. Jacques Bonnafé, merci.